Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, votre rendez-vous rock, punk et musique industrielle Lost in Space commence à 21h tapante sur le 100 FM de Radioactive. Aujourd'hui, on attaque avec des jeunes filles qui s'appellent Skinny Girl Diet. Le morceau, c'est Yeti et c'est parti. Et si tu veux connaître les titres qu'on va jouer ce soir, deux solutions. Un, tu demandes à ta mère. Deux, tu regardes sur le site. We'll be right back. Putain, c'est clair, rien ne vaut les bonnes grosses cylindrées. Et cette saloperie a un sacré monstre sous le capot. Johnny Parks réalisait enfin le rêve de toute une vie. Lancé à plus de 160 km/h sur une autoroute déserte, par un agréable matin qui plus est, il se sentait grisé comme jamais. Le fait qu'il se trouve au volant d'une voiture de police à la poursuite de la Pontiac Firebird noire d'un tueur en série tristement célèbre ne faisait qu'aviver son excitation. Yeah. Récepteur crachota et la voix du chef se fit entendre haut et fort pour la troisième fois en à peine 2 minutes. Je répète à toutes les unités, repliez-vous, ne poursuivez pas le fugitif dans le cimetière du diable. C'est un ordre nom de Dieu à vous. Nasty girls, we don't wash our hands. Dans son rétroviseur, Johnny aperçut les 7 autres voitures de patrouille s'immobiliser derrière eux pour faire demi-tour. Bande de putains de peureux. Son heure de gloire était arrivée. Enfin, leur heure de gloire à Neil et à lui. Ni l'un ni l'autre n'aurait dû se retrouver mêlé à une course-poursuite aussi sensible, mais ce matin même, le nombre de policiers tués avait été si important qu'ils avaient été appelés à la rescousse. Les deux hommes avaient une petite vingtaine d'années et cela faisait à peine 6 mois qu'ils étaient sortis de l'académie, leur diplôme en poche. Neil était le meilleur tireur de sa promotion et il était promis un bel avenir dans la police. De son côté, Johnny s'estimait chanceux de conduire la voiture où se trouvait le tireur d'élite. Il tenait là sa chance de se faire un nom. S'il y avait bien quelqu'un capable d'abattre le conducteur de la Firebird, pas de doute, c'était son pote Neil. Raison pour laquelle Johnny tenait tant à prolonger encore un peu la poursuite, même si cela allait à l'encontre des ordres du chef. Männer, Ébloui par les rayons crus du soleil du désert, Johnny s'efforçait tant bien que mal de maintenir sa trajectoire en gagnant centimètre après centimètre sur la Firebird. Sur cette route recouverte de sable et de gravier, il lui fallait rivaliser de talent pour tenter d'intercepter le désaxé qui avait déjà envoyé sur le bas-côté au moins trois véhicules. Le coup de vous, le

Mancini, il était le jeune tireur le plus talentueux de la patrouille. Johnny, pour sa part, se considérait comme le meilleur conducteur. Adolescent, il avait été un vrai fanatique de stock-car. Il s'était entraîné des heures durant sur la piste sablonneuse conçue spécialement pour lui à côté de la ferme de son père et avait remporté de nombreuses courses sur le circuit de son lieu de naissance. C'était ses talents de conducteur qui lui avaient permis de gagner le cœur de sa fiancée, Carrie-Anne, cheerleader en chef du lycée. Elle devait accoucher de leur premier enfant ces prochains jours. Si Johnny parvenait à remporter les lauriers de la gloire en tant que membre du binôme ayant réussi à interpeller le Bourbon Kid, son enfant pourrait se vanter dès sa naissance d'avoir un père hors du commun. Yeah. J'avais garé la bagnole dans Amsterdam Avenue et j'étais revenu à pied vers la 72e rue. Avec cette chaleur, j'étais content que la police nous permette de porter en été une chemisette à manches courtes au col ouvert, mais j'aurais très bien pu me passer de tout ce poids à la ceinture. Pistolet, étui, baudrier, torche électrique, un tas de trucs qui m'alourdissaient et me gênaient. Mon rêve, c'était de me mettre à poil et de me gratter. Mais le règlement l'interdisait. C'était encore plus scandaleux que ce que je projetais. Travel on the street to say. Au coin d'Amsterdam et de la 72e se dresse l'hôtel Lucerne, un des rendez-vous des poivrons du quartier. Broadway, entre la 72e et la 79e rue, est bordé d'un tas de petits bars obscurs qui se ressemblent tous. On y trouve les mêmes jukebox, les mêmes tables de formica, le même décor simi-espagnol et la même barmaid portoricaine au sein généreux. Tous les paumés qui vivent dans les petits hôtels du coin passent leur nuit accoudés à ces bars et font les yeux doux aux serveuses. Et puis, à l'heure de la fermeture, ils regagnent leur chambre sordide et rêvent à de grandes scènes de séduction avant de s'endormir. À moins qu'ils aient du fric, ce qui leur arrive rarement, pour ramener chez eux une des putes au rabais qui font le tapin le long de Broadway. Never been. You. We never been. You. entre le Lucerne et Broadway, la rue est bordée de vieux immeubles plus ou moins décrépits, où vivent des veuves d'instituteurs, des épiciers à la retraite, des vieillards, et dont le rez-de-chaussée est occupé par des boutiques ou des bars, avec des enseignes au néon dans la vitrine. Schlitz, Pressing, Comestibles. Il était 10h30 du soir et la plupart des magasins étaient fermés, à part les bars et le marchand de vin. Yeah. licoriste était situé au milieu de la rue. Quand je l'atteignis, je constatai qu'il n'y avait aucun client. Rien que l'employé, un portoricain qui lisait un illustré en espagnol, et deux poivrons dans le fond qui rangeaient des bouteilles sur des étagères. Je soulevai le rabat de mon étui et entrai. We'll be right back. Ce matin-là, l'épicière de la Wiesengrasse, Madame Jeanne Puchel, sortit vers 7h30 de son magasin pour jeter un coup d'œil dans la rue. Ce n'était pas une belle journée. L'air était froid et humide, le ciel couvert. Un temps à s'offrir un petit schnaps. Mais la bouteille de Slivovitz que Madame Puchel tenait en réserve était presque vide. L'épicière décida de garder le reste, à peine de quoi remplir un verre à liqueur, pour la pause de 10h. Par précaution, elle rangea la bouteille dans l'armoire de cuisine, car son mari, qui était en train de préparer la carriole dans la cour, partageait sa prédilection pour le schnaps. We'll be right back. Jusqu'à 8 heures, elle ne vit que quelques habitués. Le garçon coiffeur dont elle préparait chaque matin le petit déjeuner, une tartine avec de la ciboulette et quelques radis, deux écoliers qui achetèrent pour 10 hélers de berlingots, la cuisinière de Madame l'inspecteur au numéro 11, premier étage, qui prit une salade et 2 kilos de pommes de terre, et le monsieur du ministère du Travail qui, depuis des années, prenait chaque jour dans le magasin de Madame Puchel un peu de charcuterie fine pour son second petit déjeuner. All the best. Ce n'est qu'après 8 heures que le magasin commença à s'animer et Madame Puchel fut véritablement à l'ouvrage à partir de 8h30. Peu après 9 heures, la vieille Madame Chimek, la propriétaire du débit de tabac du coin de la rue, arriva pour faire un brin de causette. La conversation tourna autour de la mésaventure survenue à Madame Puchel avec un colis de fromage en provenance de Hongrie. Et c'est cette conversation qui fut interrompue par l'arrivée de Stanislas Demba, ce même Stanislas Demba dont le comportement étrange devait alimenter pendant les semaines à venir toutes les conversations entre les deux femmes. We'll be right back. Kemba était déjà passé à 3 reprises devant la porte du magasin en jetant à chaque fois un regard furtif à l'intérieur avant de se décider à entrer. Il semblait chercher quelqu'un. Il eut également une curieuse façon d'entrer dans le magasin, en abaissant la clenche non pas avec la main mais avec son coude gauche avant de pousser la porte non sans peine avec le genou droit. Behind the shattered glass. Première partie de ce Lost in Space dominical consacré plus à la musique rock'n'roll s'achève à l'instant. On a eu des Dead Kennedys qui chantaient Chemical Warfare, qui parlent en fait de tous les déchets chimiques et qui peuvent s'accumuler dans notre environnement. En 78, c'était quelque chose qui était assez novateur. Maintenant, malheureusement, nous sommes confrontés tous à ceci. Et comme je vous le disais à l'instant, fin de cette première partie de Lost in Space plus rock'n'roll. On va continuer avec le bizarre, comme il disait dans Audiard, comme les jeunes se sont rabattus sur le tout venant, nous allons nous attaquer au brutal. Et le brutal en question, c'est de l'Indus, avec, comme les semaines précédentes, on continue notre revue de Club Moral, ce groupe industriel des années 80. Cette fois-ci, ça s'appelle, c'est une cassette qui s'appelle Émission numéro 1, et c'est parti.